Le journal cubain Granma a inséré un article pour condamner les États-Unis et l'ONU. L'auteur note que les États-Unis recourent à tous les complots au nom du Conseil de sécurité de l'ONU pour punir Cuba, la Corée et l'Iran qui continuent à s'opposer à l'impérialisme américain sans se fléchir. Il critique aussi ce pays et l'ONU sans suiviste pour leur abus des droits de l'homme.